Bonjour à tous et bienvenue au podcast de Thomas Dano. C'est moi, Thomas Dano, spécialiste médias sociaux chez Advizo. Oui, je dis encore ça malgré mon podcast de la semaine passée. Donc, bienvenue à l'épisode 3. Cette semaine, dans le cadre du troisième épisode, pardon. Le sujet sera comment réagir à un commentaire négatif. Je parle bien sûr lors de la gestion de communauté. La première chose que j'ai appris qu'il fallait, pardon, ne pas faire envers les commentaires négatifs, c'était bien sûr de ne pas le prendre personnel. Car contrairement à moi qui le prends souvent très personnel, lorsque quelqu'un vous écrit « Va donc chier », il ne faut jamais oublier que ce n'est pas à vous qu'il parle, mais bien à la page. Et vous n'êtes pas la page, c'est la marque la page. C'est vous qui faites l'animation, donc vous considérez un peu que vous êtes la page, mais au fond, n'oubliez jamais que c'est à la marque qu'il c'est avec la marque qu'il interagit. Maintenant, si on parle vraiment des réactions, le meilleur moyen de vraiment gérer les interactions négatives, c'est de vraiment avoir fait un plan avant la création de la page ou au début de la création de la page. Ce que je veux dire, c'est avoir un plan de selon ce que la personne dit, à quelle personne ressource est-ce que vous allez envoyer ça. Est-ce que c'est vous qui allez répondre vous-même? Est-ce que vous avez déjà un texte de prévu? Est-ce que c'est un sujet chaud pour l'entreprise? Parce qu'il faut toujours ne jamais oublier quand vous faites la gestion d'une page, l'entreprise, elle doit déjà savoir quelques points chauds qui sont à surveiller ou certains sujets qu'il ne faut pas mentionner justement parce qu'ils sont très à débat. C'est donc à vous un peu à vous préparer d'avance à les sujets que vous savez qui vont arriver, donc ben préparer des phrases à répondre en tant que telle ou une personne ressource dans l'entreprise qui saura répondre comme du monde. Parce qu'il faut jamais oublier que ça peut prendre beaucoup d'ampleur. Tu sais, si on au cas comme Nestlé ou ouais, c'est juste Nestlé qui me vient en tête. Il a décidé de, comment dire, muter les gens qui ne veulent plus rien dire. Ce que ça a fait, ben, ça a dégénéré. Comme beaucoup à faire quand que on commence à empêcher les gens de parler, le monde, il parle de leur liberté d'expression et ça dégénère souvent. Que ce soit les internets qui s'en mêlent ou la presse normale, ça peut souvent mal finir quand on décide d'imposer nos voix. C'est ça aussi qu'il faut faire la différence entre un commentaire négatif et juste un troll. C'est un troll qui va juste vous dire va donc chier, ça c'est vraiment juste dénué de sens, ça n'apporte aucun point. Que vous le transmettez à l'entreprise, ça va rien changer à eux, parce que dans le fond, c'est juste un commentaire gratuit. Tu sais, c'est comme ça se peut que quelqu'un n'aime pas votre marque, parce qu'à quelque part, souvent c'est des marques en dehors du web qui sont portées sur le web. Donc si la personne ne vous aime pas, elle va un peu plus vous aimer pour sur Facebook. Par contre, c'est rare que ceux-là, on s'entend qu'ils vont prendre le temps, pardon, d'aimer la page juste pour aller les envoyer chier. Mais bon, on n'est jamais trop prudent de certaines personnes qui pourraient être, comment dire, bizarres, puis pas bizarres dans mon genre. Quand je parlais de la réaction tantôt, c'est toujours important aussi de ne pas réagir sur le coup. Si vous êtes quelqu'un qui réagit mal, tu sais, si quelqu'un vous écrit va donc chier, puis vous marquez non, toi va chier, c'est peut-être que c'est pas la bonne idée. Ça, vous pouvez aussi, il y a toujours le choix d'enlever les commentaires. Comme je dis tantôt, c'est touché, mais quand que vous avez des règles très établies sur votre page, un moyen de se prévenir de tout ça, mettre des règles de la page, qui est comme des règles d'utilisation de la page. Il faut mettre ça dans les notes tout simplement. Et que si quelqu'un chiale que vous avez enlevé son commentaire après qu'il ait dit va donc chier, vous pouvez dire ben c'est un langage qu'on considère grossier, donc on l'a enlevé, en pointant aux règles de la page. En disant bien sûr que si la personne a un point, comment dire, négatif, mais pour être positif, pour la marque, il peut l'apporter. Il peut dire les services à telle caisse n'étaient pas bons, parce que ça se peut qu'ils sont pas bons. Mais de là être un commentaire gratuit. C'est là qu'il faut faire la différence. Est-ce que c'est un commentaire gratuit que la personne a mis le commentaire et est partie ou c'est vraiment une question que la personne pose ou, tu sais, c'est comme quelqu'un qui appelle le service à la clientèle, ça peut être positif aussi, là. Parce que comme on dit tout le temps, ben, vous êtes un peu le service à la clientèle pour Facebook. Ils sont certains qui veulent pas appeler, donc, faut être capable de gérer avec ça. Bien sûr, l'important dans la réponse, c'est de toujours être poli. Toujours penser que vous parlez à un autre être humain, puis il est peut-être pas comme vous tout le temps sur Facebook, puis que si vous êtes trop rude avec, peut-être que la personne va le prendre mal. T'sais, si vous répondez à quelqu'un, ben, à quoi tu pensais quand tu as posé la question, c'est vraiment con. Je pense pas que la personne va aimer. T'sais, peut-être que c'est quelqu'un qui connaît pas vraiment beaucoup Facebook. T'sais, comme quelqu'un qui demande où le concours, quand vous savez très bien qu'il y a un onglet à gauche qui est marqué concours en gros, ben, vous avez vraiment le goût de dire, ben, écoute, t'as-tu regardé comme du monde? Non, il ne faut pas. T'sais, il faut dire une réponse très polie. Genre, mais regardez un onglet de gauche, concours, et même mettre le lien vers le concours. Ça, c'est un exemple facile qui peut arriver avec des utilisateurs non expérimentés de Facebook. Donc, faut savoir dealer avec eux parce que c'est eux qui sont sûrement beaucoup de la masse de vos fans. Donc, toujours se mettre à la place de la personne et ne pas penser que elle connaît tout Facebook. Donc, elle pose une question. Elle dit qu'elle a un bug avec votre application. Vous, vous demandez quoi? Tu sais, souvent, c'est la simple question de demander quel est votre furteur. Souvent, des fois, elle va même pas savoir de quoi vous parlez. Donc, à partir de là, faut expliquer, faut plus préciser. Faut pas penser que la personne est est brillante. C'est méchant, mais tu sais, c'est juste une façon de parler. Je veux dire, la personne, elle connaît pas autant Facebook que vous. Ça fait quelques fois je le répète pour que ça vous rentre dans la tête, là. Donc, vous avouerez, j'ai pas vraiment dit de réponse concrète. Peut-être c'est sûrement ça mon but, parce que quelque part, il n'y a pas vraiment de façon. C'est chaque page que ça dépend comment eux décident de gérer. Le seul conseil que j'ai à donner, c'est de prévoir ça en avance. Si vous avez prévu ça maintenant, ben vous pouvez le faire. Sûr, si ça vous arrive jamais, peut-être que ça va jamais vous arriver, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un troll dans le PDK. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. C'était Thomas Dano.